J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur. J'aimerais tellement te dire pourquoi j'ai si peur. J'suis dans le carré VIP mais je ne souris pas. Dans la carrière comme c'est pequeño. Viens pas me coller si t'as sucé l'autre. T'as rien poussé donc fais pas l'ancien. Tu me vois juste sur les réseaux mais tu me connais pas. 160 sur la voie de gauche, lève pas mon pied dans le virage. Tu veux monter dans le bateau, il a déjà quitté le rivage. J'allume une menthe sucrée, direct j'm'en vole là. Moi j'ai l'esprit ailleurs, pas besoin de marijuana. J'compte l'alias, toi tu mets l'élastique. Pour découvrir encore, j'aimerais bien devenir amnésique. J'suis un mec indécis, c'est vrai que des fois j'me lasse. Mais là ce n'est pas le cas, donc il faut que tu saches. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais j'ai des blèmes pro. Tellement te dire pourquoi j'ai si peur. Mais je viens du ghetto. Oh oh. J'suis dans le carré VIP mais je ne souris pas. Même dans mon sommeil la nuit j'entends ta voix. J'te jure j'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur. Mais j'ai des blèmes pro. Oh oh. Pour toi je peux tous les allumer. Je les mets tous par terre alignés. Avec toi discrétion. C'est moi j'ai les nerfs t'as les munitions. T'as pas froid aux yeux t'es à la mode. Juste après tirer tu m'as câliné. Quand t'es douce ça me plaît. Quand t'es vénère ça me fait kiffer. Tu me laisses des textos, des appels. Quand je réponds pas depuis un quart d'heure. J'suis dehors tu t'inquiètes. Parce que je t'ai pas dit à tout à l'heure. J'suis pas là quand tu rentres. Et j'suis pas là quand tu t'endors. On va finir dans un palace. Mais pour l'instant vide le chargeur. J'compte l'alias. Toi tu mets l'élastique. Pour découvrir encore j'aimerais bien devenir amnésique. J'suis un mec indécis. C'est vrai que des fois j'me lasse. Mais là ce n'est pas le cas. Donc il faut que tu saches. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur. Mais j'ai des blèmes pro. Pourquoi j'ai si peur, mais je viens du ghetto. Oh oh. J'suis dans le carré VIP mais je ne souris pas. Même dans mon sommeil la nuit j'entends ta voix. J'te jure j'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur. Mais j'ai des blèmes pro. Oh oh.